supportais en train de chanter ça. J'étais petit homme avant d'être moi. Maintenant je suis l'homme qui vous tient, qui a toi. J'étais un moins que rien, on disait de moi. En fait, j'en sais rien, mais le pouvoir me plaît. J'adore pouvoir sourire à tous les gens. J'adore les voir pleurer, implorer ma pitié, sachant que rien ne dure. Mais un homme ne sera pire que moi.